y a plusieurs gammes. Plusieurs gammes, il y a des gammes harmoniques, il y a des gammes majeures, des gammes mineures. Et il y a pas mal de modulations. C'est ça qui est plaisant. Par contre, c'est pas de moi, hein, c'est Vivaldi. Thank you. Mmh.